Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Genix et Climax 80. C'est l'épisode 8. Vous êtes sur CKRL, le 89.1, la radio, la nuit, à Québec. Hey, on a pas mal de super hits à soir. On va avoir Lip-Sync, on va avoir Charlebois, on va avoir Nanette, Call Girl. Puis on va essayer de fitter ça avec Thriller, puis Double Dutch Bus de Frankie Smith. Restez des notes, les amis, sur Genix et Climax 80. Le feuilleton radio préféré du monde français. L'émission Genix et Climax 80, faut que je vous dise, c'est d'abord un feuilleton radio d'après une œuvre originale et encore inédite. Genix et Climax 80. Le texte est interprété par l'auteur lui-même, Monsieur Florian, votre animateur, tous les vendredis de minuit à 2h du matin. Un petit synopsis de notre feuilleton radio. Alors, au milieu des années 80, dans la ville de Québec, les tribulations sentimentales et masturbatrices d'un jeune adolescent de 15 ans qui, suite au divorce de ses parents et à l'éclatement de sa famille, de ses valeurs, cherche l'exutoire dans la musique métal. Et dans la semi-délinquance, l'exutoire, les amis. Nous, ici, sur CKRL, au 89.1, on le cherche, enfin, on le trouve, l'exutoire. On le trouve en écoutant d'excellentes chansons des années 80, notamment. Et aussi en délirant pas mal avec nos petites chroniques poético-littéraires. Touch, yeah, Joan Jett, sur CKRL. Alors, précédemment, dans Gen X et Climax 80, on a pris le temps d'asseoir le truc avec une belle et longue parlotte. Ça a été notre préface qui a duré, quoi, 2 épisodes, au bas mot. Et puis, dans les épisodes 3, 4 et 5, on a présenté notre Gen X. On l'a vu gamberger, enfin, jongler, comme on dit chez nous. Hein? Jongler, ça veut dire penser beaucoup, beaucoup, beaucoup dans sa tête. Et on l'a vu s'extasier aussi sur la victoire du CH en 5 parties sur Calgary. Eh oui, ça a été la Coupe Stanley à Montréal en 86. Puis les amoureuses secrètes, platoniques évidemment. Puis les sous, les histoires de sous, évidemment, ça commence jeune ça, les histoires de sous. Hein? Les 2000$ bloqués dans un compte de la Banque Royale. Maman avait bloqué les sous pour mes éventuelles études universitaires, qui, tout comme le roman de Giraudoux, n'aurait sans doute jamais lieu. Et puis, il y avait eu Joe la bouclée aussi, ma coiffeuse attitrée. Maman m'emmenait là-bas, elle m'emmenait là-bas, oui, les vendredis, enfin, 3 vendredis par an, en fierro pétante, rouge pétante. Et puis, aussi, il fallait évoquer, évidemment, le show de Iron Maiden Twisted Sisters. C'est là que Joe la bouclée apparaissait, et ça nous a forcé vraiment à digresser pas mal. Mais ça nous a quand même aidé à décrocher du show de Iron Maiden Twisted Sisters pour aller voir d'où ça venait, les Iron Maiden, et ce goût-là là, pour l'étrange. Et c'est là qu'on était rendu. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets, beaux et laids. Puis il vint un vent de débauche qui faucha le roi sous mon toit, et la fête fut dans ma tête comme un champ de blé, un ciel de mai. Je ne vois plus la vie de la même manière, et je ne sens plus le temps me presser comme avant. Et pour le temps, ce que t'appelles un an. Et pour le temps, ce que t'appelles un an. Comme un loup qui viendrait au monde une deuxième fois dans la peau d'un chat, je me sens comme une fontaine après un long hiver, et j'en ai l'air. J'ai laissé ma fenêtre ouverte à sa pleine grandeur, et je n'ai pas eu peur. dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un autre que moi. Alors on va y aller avec notre séquence première de la soirée. Page 84. La BD. Comme j'avais toujours été très BD, j'en consommais énormément. J'étais toujours soit en train d'en lire une, soit en train d'en dessiner une. Alors, j'avais tout de suite flashé sur le dessin dès que j'avais eu la pochette de Killer entre les mains. Cependant, lorsque j'ai entendu la musique, ces rythmes changeants et progressifs, ce son si particulier des harmonies de guitare, ça m'a instantanément donné le goût de m'enfermer dans ma chambre pour me passer le disque en boucle et pour dessiner la pochette. Comme un petit roi, pour la décliner, la pochette, à toutes les sauces. Ah, je m'installais à mon pupitre, je pouvais y passer des heures. En même temps, Tijac, il nous avait aussi initiés à Van Halen, à Rush, à Scorpions, à Heart, surtout le morceau Barracuda, ainsi qu'à plein d'autres groupes qui dépeignait des univers de films d'horreur ou de science-fiction, dont j'étais également très friand. Alors, bienvenue de nouveau sur l'épisode 8 de Genix et Climax. Ce soir, on a un truc spécial. C'est la première fois. On a un invité, Félix Baudet. Oui, bonjour. Bonjour, Félix. Bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'amène avec nous ce soir par cette belle soirée où ça bromasse, enfin, il pleuviote un petit peu? Qu'est-ce qui se passe de beau? Enfin, une annonce de très grande importance dans la stratosphère québécoise de Québec Beach, comme on la nomme ici, Genix et Climax. Yes. En fait, pour tout vous dire, un événement de grande envergure s'annonce à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un lieu oublié, une petite capsule temporelle cachée dans une petite crique sur la rue Saint-Jean et qui demande seulement d'être investie de poésie. Ben oui, et puis de votre amour, sans doute. Oui, et un lieu parfait pour la consommation alcoolisée, entre autres, mais surtout pour peut-être voir le jour de ce roman que tu partages aujourd'hui. Ben oui, ça a l'air qu'on va commencer à faire des soirées à la librairie Saint-Jean. Oui. Et puis, en tout cas, nous autres, on est très fiers de ça. Et puis, en tout cas, on a hâte de commencer. Ça risque d'être quand, ça? Le 3 octobre. Le 3 octobre. Mmh. Hey, c'est bon, ça, le 3 octobre. Ben, nous autres, on va être là. On est parés. Et puis... on va y aller dans le fond. Toutes les informations vont être disponibles sur le Facebook de la librairie Saint-Jean-Baptiste. Yes, on va checker ça sur la librairie Saint-Jean-Baptiste. On va vous donner toutes les coordonnées et puis toutes les liens qu'il faut. Et exactement. Puis, yes. Hey, merci, Félix. Puis, tu restes avec nous? Ben oui. Okay. On va se reparler. Yes, on se reparle tantôt. C'est bon. OK. va y aller avec la séquence 2 de notre soirée sur Genix et Climax 80. C'est à la page 85. Ça s'intitule « Vendredi 13 ». Ça va être sur Lip Sync, Funky Town, sur CKRL, la radio, la nuit. Vous êtes au 89,1, les amis, chers auditeurs. Bonne nuit. Il est minuit 16. Il fait 19 degrés à Québec City. Mes parents, vers ces années 80-81, faisaient partie de cette classe moyenne aisée, moderniste et bénéficiant des entrées de deux salaires, ce qui leur permettait de construire des villes entières de bungalows tout autour de centres urbains qui prétendaient vouloir s'étendre à l'infini. Sans qu'on le sache, on était déjà tous des prototypes de la famille Bart Simpson. Donc, deux vendredis par mois, mes parents, en mode sortie, avaient pris l'habitude d'aller danser à la fameuse discothèque le vendredi 13, située sur la rue Saint-Jean, à Québec City. La programmation musicale de la soirée était même retransmise en direct sur les ondes d'une radio populaire FM de la capitale, le 93. Puis, deux samedis par mois, ils adoraient également, surtout maman, participer aux soirées organisées par le prof de leur cours de danse. Cela se tenait dans le gymnase de l'école Champagnat, en plus de leurs cours tous les mercredis soirs. Ainsi, lorsque l'on avait le bonheur d'être samedi en début de soirée, ma mère se chromait et se bichonnait comme s'il n'y avait pas eu de lendemain possible. Pour notre plus grande joie à tous, je la trouvais si belle, maman, sur le pas de la porte, à me faire des bisous, avec ses dernières recommandations avant de partir. Mon père, lui, toujours droit dans ses souliers propres, semblait presque à son aise. Son élégance un peu compassée avait toujours eu quelque chose de britannique. Il portait son complet de façon impeccable et sobre. En revanche, il arborait une moustache à la Burt Reynolds. Une moustache en fer à cheval, au léger relent d'aftershave. Brut 33. Town in Quebec City. Vous êtes sur CKRL, le 89.1. Et nous, on est avec Félix, Félix Baudet, qui, si vous voulez le trouver, enfin, vous pouvez aller sur Facebook et regarder sur les liens, là, les liens de Genix et Climax, vous pourrez cliquer sur son profil pour voir qui il est, d'où il vient. Que fait-il? Où il compte aller? Je ne sais pas. Toi, Félix, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, c'est une question profonde que tu me poses là. Je viens probablement de la même eau bouillante dans des bassins creux, dans la terre désolée avant la vie que toi. Mais j'ai eu accès au miracle de la parole. Yes. Et je l'utilise maintenant d'une manière que je ne l'ai jamais utilisée à la radio. Donc c'est quand tu même fais bien. Quand même pour moi quelque chose de... Ben, on est content d'être là pour toi. Oui, ben oui. Moi aussi. Que tu sois là pour nous aussi. Absolument. On est tous là les uns pour les autres, n'est-ce pas? Bien sûr. Et toi, Félix, t'es pas un Genix, par contre. Non, je viens d'une génération perdue au précipice de l'humanité. Et c'est quoi ta génération? On l'appelle génération Z. Ah, la génération Z. Je pense qu'elle chevauche avec la génération qui sans lettres, en fait, la génération après l'alphabet. Après c'est la génération alpha, je pense. La génération de Léon, notre fils? Oui, C'est la génération alpha, je pense. Oui. On le salue, Léon. Salut, Léon. Je sais pas c'est quoi la génération après alpha. J'ai pas entendu parler encore de ça. Attends, j'ai sur X. Ils font peur déjà. On a sur X. Enfin, je sais pas si Twitter, l'ancien Twitter. J'ai trouvé aujourd'hui un truc où il parlait des. Il y avait les générations justement. Attends un petit peu, je vais regarder voir si je l'aurais pas. Vous pouvez trouver mon compte X. On a plusieurs comptes. Là. Vous avez le compte du show. Alors, vous allez sur X. Vous faites X / Genix et Climax 80, l'émission. Vous faites CKRL et vous allez le trouver. Et donc, attends un petit peu, je le lis. Là, je pense ici, attends un petit peu. Là, il était quelque part par là, il me semble. Et je pense qu'il y avait la génération X, Y, Z. Et ensuite, il y avait une autre génération. C'est ça, c'est Alpha, je pense. Ouais, c'est... Non, je ne le trouve pas, là. C'est Alpha, ouais, c'est ça. Voilà. Alors... On a hâte de voir ce qu'ils vont produire comme humanité. Ouais. On a bien hâte de voir. En tout cas, on va essayer, tu sais, de renverser la vapeur. Ouais. On va essayer de renverser la vapeur, si ben c'est possible. C'est pour ça qu'on fait un peu... on utilise un peu notre mémoire pour se souvenir de ce que les années... folle des années 80 nous ont donné un peu comme, ouais. Comme espoir, même si c'était un espoir qui carburait tellement que ouais. Était voué à se brûler le c'est vrai. Brûler le toupet avant de tout à fait avant d'avoir atteint la ligne d'arrivée. Tout à fait. On arrive là d'ailleurs, je pense ça c'était une des thèses de Genix et Climax, c'est que en ce moment on arrive comme un espèce d'essoufflement des années 80. T'sais, que finalement, les années 80, ça a duré des années 90, 2000, 2010. Là, on arrive comme à l'essoufflement. On dirait... Enfin, je sais pas. C'est une idée, là. Je sais pas si le THC a augmenté. Là. À la SQDC, ça a l'air. Là. C'est rendu 29%. Là. La génération TDAH. Ouais. Alors, on va pouvoir y aller... Puis, Félix, toi, ça te tente de rester avec nous? Bien sûr. Yes? OK. Ben, je suis déjà, d'ailleurs, un auditeur hebdomadaire de l'émission. Ah, ben, c'est cool. Ouais. Ben oui, c'est ça, je me doute que oui. J'étais dans l'ombre et maintenant j'apparais. Ah, ben, en tout cas, c'est super cool. Puis, on attend que ça, que les gens de l'ombre puissent sortir de l'ombre et s'affirmer. Bon, écoute, nous, on a... Toutes les espèces d'affirmations, on les accepte, on les prend, on les regarde, on admire l'affirmation. C'est ce qu'on fait ici d'ailleurs, on est ici pour l'affirmation et pour l'exutoire. Et donc, on va continuer avec la séquence 3 de notre soirée à la page 85. Mais mon frère et moi, pour rigoler, on disait que mon père, il avait plutôt vaguement l'odeur d'une voiture neuve. Ouais, comme il en avait déjà plutôt un peu la mentalité. Quoi qu'il en soit, avec mon frangin, nous étions tous les deux pleins d'admiration et d'amour pour nos parents. Les voir comme ça, sortir ensemble, sur leur 31, et avec leurs yeux qui brillaient de la même façon dont doivent briller ceux des gens heureux, comme ceux des gens qui s'aiment. Ces moments-là remplissaient mon cœur d'enfant de fierté et de confiance en la vie, ainsi qu'en notre famille. On avait tellement de chance chez nous. Fait qu'on va aller à la pub, là, et on s'est pas rendu compte. Mais on va faire une petite pause publicitaire. On vous revient tout de suite après, les amis. On vous revient avec Double Dodge Boss. On vous revient avec Eurythmics tout de suite après sur CKRL, le 89.1. Vendredi, le 5 septembre prochain, ne manquez pas une collaboration unique entre deux animateurs de longue date de CKRL avec Jacques Dulac et Jean-Sébastien Grondin pour une émission mélangeant les styles de soul et de blues qui s'intitulera Soul d'Auteuil, de 18h à 22h. Une émission spéciale de 4h avec Jacques Dulac et Jean-Sébastien Grondin. Soul d'Auteuil. I feel good! Vous avez envie de vous dépasser, vous détendre, évacuer votre stress? Cet automne, c'est au Centre Mgr Marcoux que ça se passe. Que ce soit via des sports de groupe, des activités culturelles ou du loisir actif et éducatif pour les jeunes, notre programmation de loisirs saura vous satisfaire. Pour plus de détails et vous inscrire, visitez notre site Internet au centremgrmarcoux.com ou téléphonez-nous au 418-661-7766, poste 221. Faites vite! La session débute le 15 septembre. Je pense que Jean-Marc, c'était probablement un des meilleurs à utiliser la musique à l'intérieur du cinéma. Jean-Marc Vallée Mixtape, récit du cinéaste québécois façonné par la musique.

Eurythmics, Sweet Dreams. Alors, on va pouvoir aller à notre séquence 4. Ça s'intitule « Hyper pressé par le temps ». C'est à la page 86. L'instant d'après, comme s'ils avaient été soudainement hyper pressés par le temps, ils finissaient par s'en aller en coup de vent à leur soirée dansante. Ils claquaient la porte et nous laissaient fin seuls pour toute cette immense et passionnante soirée de cinéma du samedi soir. On écoute Frankie Smith, Double Dutch Bus. C'est la glorieuse année 1981. Vous êtes sur Genix et Climax 81, les amis, à CKRL, le 89.1, la radio, la nuit, et c'est à Québec City. La soirée de cinéma du samedi soir, elle nous attendait à bras ouverts. Les parents, ils ne rentreraient pas avant 2 ou 3 heures du matin. Mon petit frère, pour sa part, s'endormirait bien avant 23 heures. J'aurais donc la télé et le bol de chips pour moi tout seul. De même que la moitié de la nuit pour mater les programmes les plus étranges et me repaître de tous les films d'horreur, de série B jusqu'à Z. Qu'il soit question de nazi-zombie ou de zombie classique, ou alors qu'il s'agisse de cette sordide question de la ferme des créatures bizarres de ce taré de Docteur Moreau, les mecs à deux têtes, les Zoltan, les Cujo, les Christine, les Carrie, les Damien, les Vargas, les créatures de l'espace, les martiens, les blobs, ou encore les monstres de toutes sortes, sans compter tous les films d'Hitchcock. Ce type m'avait toujours donné froid dans le dos avec ses histoires de bargeau en plan séquence. Ah, quel génie tout de même que ce British chauve au regard d'épagneul et double menton. Cette tronche lui donnait une certaine bonhomie, mais pas rassurante du tout. On aurait dit Churchill. Une tronche d'accompagnateur laïque pour le couloir de la mort. Enfin, tous ces divertissements semblaient n'être faits que d'alternatives, disons, au sommeil ou à l'ennui du quotidien. De retour à notre émission, Genix et Climax 80. On est toujours en compagnie de Félix. Puis Félix, qu'est-ce que t'en penses de l'émission Genix et Climax 80? Quand même, c'est cool. Oui. J'ai d'ailleurs eu accès en avant-première au manuscrit. Je me suis permis d'aller trifouiller dedans, d'aller ouais, c'est vrai. Sortir un peu les tripes de ce gros texte qui t'est sorti du cortex cérébral. Et je peux dire que je suis un grand optimiste de Genix et Climax pour plusieurs raisons, peut-être dans l'essoufflement général des modes d'expression à notre époque. C'est vrai. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai mis mes tripes dessus. Et puis, c'est totalement sincère. Et tout ce que vous lisez est la stricte vérité. Et puis toi, Félix, mais c'est quoi ton parcours un peu? J'aimerais ça savoir. Tu sais, c'est quoi, t'es directeur artistique à la librairie ou t'organises des événements? Qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, on m'a mis dans les mains un gros contrat pour un jeune... J'ai 20 ans. Je le répète parce que c'est... Félicitations. Oui, merci. Le grand âge. Mais on m'a mis dans les mains le contrat de faire vivre un peu cette librairie-là, donc de dégoter dans la population générale des gens assez déniaisés pour montrer un peu de quoi ils étaient capables. Et j'espère, en fait, ma vision pour ce lieu-là, en fait, je pourrais... déjà parlé de mon patron qui me permet de le faire. Ben mon patron, il aimerait pas que je l'appelle comme ça. Comment essaie, il s'appelle? David, une grande légende de la rue Saint-Jean-Baptiste. La plupart des gens le connaissent, viennent à la librairie pour le voir, pour lui parler. C'est toute une expérience. Quand on le rencontre, première chose qu'on lui demande si ça va, il dit ça va comme l'époque. Et okay. Puis après, on entre dans son univers d'ironie politique poussée à l'extrême, jusqu'à l'écœurement presque. Mais la librairie, c'est un lieu hors du monde. C'est vraiment beau là-dedans, en tout cas. Ouais, c'est extraordinaire. Exact. Moi, je trouve comme building. Là. Exact, ouais. Mm. Comme une petite chapelle de, ouais. Une petite chapelle de pensée universelle. Puis c'est quand même assez grand, quand même. Il rentre. C'est quand même. Aussi grand que n'importe quel petit bar à Québec, là, qui serait cool. Ouais, on peut faire foule. Ouais. Ouais. Bon, ben écoute, tu restes avec nous? Absolument. Yes? OK. Et puis, on va y aller avec une autre séquence ce soir. Ça va être la cinquième. Et ça s'intitule « Au milieu des années 90 ». Il est clair, en tous les cas, que... jusqu'au milieu des années 90, nous étions tous très bons clients pour ce genre de cinéma sur toutes les chaînes de la belle province. Ça se jouait bien avant les réseaux et MTV. Je passais donc une bonne partie de la nuit à me gaver de fantastique et de surnaturel. Toute cette culture au goût Crypt of Tales ou Creepshows, par la BD ou à travers le cinéma. Cela envahissait progressivement toutes les sphères de mon monde intérieur. We'll be right back. wasn't that scared. Yeah, I'm scared. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze, and so it looks you right between the eyes. You're paralyzed. You hear the door slam and realize there's nowhere left to run. Girl, but all the while you hear a creature creeping up behind. You're out of time. They're out to get you. There's demons closing in on every side. They will possess you unless you change that number. Of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Il est clair, en tous les cas, que jusqu'au milieu des années 90, nous étions très bons clients pour ce genre de cinéma, sur toutes les chaînes de la belle province. Ça se jouait bien avant les réseaux et MTV. Je passais donc une bonne partie de la nuit à me gaver de fantastique et de surnaturel. Toute cette culture au goût Crypt of Tales et Creep Shows, par la BD ou à travers le cinéma, cela envahissait progressivement toutes les sphères de mon monde intérieur. Les dimanches après-midi, si je n'avais pas de match à disputer avec mon équipe de hockey, ma mère me filait $2 et nous conduisait Eric, mon super pote, mon frère et moi, jusqu'à l'ancien cinéma de quartier de Saramual Beach. Le hall d'entrée était rempli à craquer de jeunes préados, dont plusieurs venaient avec leurs parents. On applaudissait invariablement au début et à la fin de chaque film. On huait les méchants et on applaudissait lorsque le héros embrassait la nana. On avait toujours droit à un programme double, le plus souvent des films de karaté, de kung-fu, de monstres, des marais ou de tueurs en série. Tous, somme toute, assez violents et sanglants. Vous écoutez Genix et Climax 80, les amis. Thriller de Michael Jackson. Ah, et un salut particulier à Michel Richard, qui vient de nous appeler. Hey, bonne surprise, Michel. Ben oui, c'est nous autres. C'est bien nous. Salut, Michel. Bientôt, on va avoir des téléphones. On va regarder ça, là. Thriller, Michael Jackson. Allons-y tout de suite avec la séquence 6, page 88, la société occidentale. En fait, je dirais que c'était plutôt la société occidentale qui était violente, si vous voulez mon avis. Cette même violence qu'on avait vue depuis tout petit, dans les films et aux infos. Nous, la génération X, étions nés, avions grandi, appris à marcher et à parler, dans le salon, devant les bulletins télévisés du soir, sur fond de guerre froide, qui nous donnait quotidiennement le compte-rendu des opérations au Vietnam. Ensuite, on nous avait bassinés avec la guerre Iran-Irak pendant des années. Puis Israël et les antifadas 1 et 2. À Beyrouth, au Liban, on affirmait que la situation dramatique menaçait de mettre le feu aux poudres, etc. Mais tout redevenait sous contrôle une semaine avant les grandes vacances d'été ou celles de Noël. Bref, toute cette violence rampante, ainsi que le nombre de morts, constituait l'ordinaire de notre repas du soir en famille. Non content de cela, sur l'heure du midi, on avait également droit aux images atroces de la malnutrition en Afrique ou en Amérique du Sud. « Envoyez-nous du blé !» qui nous disait à la télé pour notre repas du midi. « Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says please don't say nothing. Make us start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, this is Avery. I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Aïe, on veut faire un petit coucou aussi à notre ami de la rue Saint-Jean. Salut Plam. Aïe, merci. Merci Plam. She's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says, take your umbrella, cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says, thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Je pense que Jean-Marc, c'était probablement un des meilleurs à utiliser la musique à l'intérieur du cinéma. Jean-Marc Vallée Mixtape, récit du cinéaste québécois façonné par la musique. Une exposition gratuite présentée au Diamant dès le 23 juillet 2025. Vendredi le 5 septembre prochain, ne manquez pas une collaboration unique entre deux animateurs de longue date de CKRL avec Jacques Dulac et Jean-Sébastien Grondin pour une émission mélangeant les styles de soul et de blues qui s'intitulera Soul d'Auteuil, de 18h à 22h. Une émission spéciale de 4h avec Jacques Dulac et Jean-Sébastien Grondin. Soul d'Auteuil. I feel good! En pyjama devant ton film préféré, ta prochaine pizza est à un clic de ton divan. On livre. Tu salives? Commande en ligne au boisdepain.com. Radio. Partagez votre amour pour le jazz et faites découvrir de nouveaux artistes en proposant une émission ou en collaborant avec nos équipes spécialisées. Faites rayonner les ondes de CKRL avec ce qui vous anime. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et cliquez sur l'onglet « Proposer une émission ». Vous pouvez également envoyer votre concept par courriel à programmation@ckrl.qc.ca. Devenez une force créative bénévole de CKRL et aidez-nous à bâtir une programmation riche et diversifiée. À ne pas manquer, à l'Anglicane de Lévis, vendredi 5 septembre à 20h, Lou-Adrienne Cassidy présentera la sortie de résidence de Triste Animal, son quatrième album, accompagné de 5 musiciens musiciennes. Une première devant public à ne pas manquer. Seul dans ma tête, c'est moi qui me porte, c'est... Ah, jamais, jamais, jamais osé demander. Informations et achats au espacedcl.ca. Dis-moi sur quoi j'ai envie d'être ce soir. Toi, dis-moi sur quoi j'ai envie d'être ce soir. Avis aux passionnés de blues, CKRL vous ouvre ses ondes. Proposez votre propre émission ou collaborez avec nos équipes spécialisées. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et cliquez sur l'onglet « Proposer une émission » ou envoyez votre concept par courriel à programmation@ckrl.qc.ca. Devenez une force créative bénévole de CKRL et aidez-nous à bâtir une programmation riche et diversifiée. De retour à notre émission « Genix et Climax 80 » avec notre invité Félix Baudet. Bienvenue Félix, de nouveau, pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Peux-tu nous en dire un peu sur ton présent, ton passé, ton futur? Oui, ça va me faire plaisir. Difficile de décrire qui on est, par contre, je dirais que j'ai toujours été et je serai toujours quelqu'un de curieux. Et surtout curieux de ce que l'humain est capable de créer. Puis qu'est-ce qui t'a amené à organiser ces trucs-là, ces soirées-là de Genix et Climax à la librairie Saint-Jean? Dans le fond, je pourrais pas dire que je dois ce privilège-là uniquement à mes talents multiples d'orateur, par exemple. Mais plutôt à mes contacts. Ma mère, grande artiste de la région montréalaise, artiste multidisciplinaire qui se nomme non-disciplinée, justement. Qui s'appelle? Mallory Picard. Mallory Picard. Oui, elle est Mallory justement Picard. En montage d'une pièce de théâtre opéra punk qui... réussi à se développer dans le monde de l'art sous subvention très constipé, on va dire. Mallory Picard, c'est M-A-L-O-R-I-E. Il y a un Y au milieu, c'est Mallory Y Picard, vous pouvez la retrouver. Justement, elle va présenter la pièce de théâtre qui est, en fait, il y a un set de musique live rock psychédélique sur scène pendant qu'elle fait danse contemporaine avec un texte écrit justement à la librairie Saint-Jean-Baptiste et relu par David. Donc. Donc c'est grâce à elle que j'ai eu cette opportunité-là. Bien, bravo Mallory. En tout cas, on félicite Mallory pour son fils, Félix, un grand garçon, beau grand garçon, qui est très articulé. Bravo. Bravo, Mallory. Et on va lui dédier cette chanson à Mallory et à Félix. Ça s'appelle Fortunate Son. Et c'est du groupe CCR. Sur CKRL. Il est 1h02, les amis. Il fait un beau 18 degrés. Hey. Ben, il pleut, c'est vrai. Mais en tout cas, on va le prendre pareil. CCR, les amis. Fortunate Son. Sur CKRL. Le 89.1. À Québec. Yes, CCR, Fortunate Son. On va retourner à nos petites chroniques romano-poétiques. Et on était rendu donc à la séquence 8, la séquence 7, à la page 88. Envoyez-nous du blé, qui nous disait à la télé pour notre repas du midi. On nous malaxait le gras du bulbe avec toutes ces pubs de merde balancées par Oxfam ou par l'UNICEF et qui passaient juste entre Roadrunner, Coyote et le Capitaine Cosmos. Les chaînes couronnaient leur programmation avec ce spectacle de gosses de riches un peu pâteaux, de l'école de Saint-Trifouilly-les-Oies, ceux-ci courant gauchement après des morceaux de robots qu'ils obtenaient en répondant correctement à des questions absolument inutiles posées par cet abruti au costume argenté ridicule. Tout le monde l'adorait. Le capitaine Cosmos. Mon frère et moi, pourtant, on n'a jamais pigé ce que tout le monde pouvait bien lui trouver à ce zèbre. Néanmoins, les jeunes concurrents, devant des publics prépubères hyperactifs et très bruyants, s'activaient en accomplissant ces défis débilitants au possible. Donc, on interrompait le programme du capitaine Cosmos et de ses satellites popettes avec 5 minutes d'un étalage d'images choc plutôt pénible. De petits Africains squelettiques aux crânes disproportionnés et aux ventres énormes. Presque comme ceux de femmes enceintes. Bah, avec mon frérot, on trouvait qu'ils avaient l'air de considérer leur grossesse comme une épreuve assez incommodante. Ils n'étaient pas un peu jeunes pour ça aussi, qu'on se disait. Il trouvait sans doute le temps très long, en tous les cas, avec toutes ces mouches véloces qui ne leur donnaient jamais aucun répit. Mon frangin et moi, et on était désolés pour eux, vraiment. Mais enfin, bon sang, on n'était que des gosses, nous. C'était pas notre faute, ce qui arrivait à ces pauvres gens. Bien sûr que non. Bien que maman disait que notre richesse, elle s'appuyait tout bêtement sur leur pauvreté. Elle avait lu ça quelque part, je crois, avec un bouquin de psychologie. Dans un bouquin de psychologie, enfin. Pratiquement des idées communistes, répliquait papa en roulant des yeux. La belle Nanette, notre belle Nanette nationale. On salue Madeleine aussi. Salut Madeleine à Zurich. Nanette, call girl. C'est pour vous autres, les jeunes, sur CKRL, le 89.1 à Québec. Call Girl. On va y aller avec une autre séquence. C'est la séquence 8 de cette superbe soirée un peu pluvieuse sur Québec. Page 90. L'heure du midi. Toujours est-il qu'à midi, on avait plus d'une heure de pause à la maison. Ah ça, on ne manquait de rien. On bouffait nos conneries de ravioles avec notre steak de mortadelle rôtie, puis nos patates, nos saucisses en pâte, nos tranches de concombre, nos fish and chips, nos macaronis à la viande, nos cheeseburgers faits maison. Oui, oui, nos petites pizzas congelées qu'on regardait évoluer et gonfler dans le four, réchauffer juste ce qu'il fallait. On faisait ça bien. On faisait ça comme des grands, comme maman nous avait montré. J'avais la responsabilité de m'occuper du four. J'étais l'aîné après tout. J'arrivais à nous mitonner des boulettes parfaites pour nos cheeseburgers. Toutes bien rôties. Putain, je te jure, j'avais la touche magique. On aurait dit de petits médaillons porte-bonheur. On avait la bouche pleine de plaisir garanti. Avec les frites, en tous les cas. Ainsi qu'avec mes boulettes parfaites. Le tout super bien enveloppé dans du papier d'alu. On n'avait plus qu'à ajouter relish, ketchup, moutarde. Et fourrer dans les pains nos petits macarons de viande hachée, préparés avec tout le sérieux et le soin d'un jeune élément très prometteur pour la NASA, le barreau du Québec ou pour le temple de l'ordre solaire. Ah, fourrer nos petits pains hamburgers. C'était le boulot le plus appétissant qu'on pouvait trouver. Un vrai plaisir. J'ajouterais que j'assurais aussi énormément pour préparer de super lunch pré-ado en rentrant de l'école. On n'avait plus qu'à allumer la télé noir et blanc de la cuisine. Généralement, la mastication se faisait assez rondement. À part quelques démonstrations de nourriture en bouche, déjà mastiquée et présentée comme une bouillie affreuse dans une bouche grande ouverte ou à travers les dents. Voilà à quoi servaient les dents du bonheur. Oh là là, les enfants, des fous rires assurés. Sinon, un petit rot sonore, façon Mr. Roboto, super débile, classique, très marrant. On aurait dû l'enregistrer d'ailleurs. Ces idioties n'étaient que de petits réflexes sympas qui nous permettaient de garder la pêche et l'œil du tigre. Alors on écarquillait les yeux en mâchouillant devant le reste de nos petits programmes du midi. Tous les jours, il y avait les pierres à feu, les ancêtres insouciants des Simpsons. Mais pas que ça. Ils étaient ni plus ni moins que les précurseurs de nos civilisations antédiluviennes. Ça remontait profondément les époques du néolithique. On tapait dans des périodes de l'âge d'or du règne des Néandertaliens, au bas mot. Ça, c'est sûr. Si vous croyez que Fred Caillou avait quoi que ce soit à voir avec un sapiens, vous vous gourrez lourdement. Ça prouve, les amis, que vous n'y connaissez que dalle en paléontologie. Go on, ring. I am secret, I've got a secret. Machine or mannequin. Secret, I've got a secret. With parts made in Japan. Secret, I've got a secret. I am the modern man. I've got a secret I've been hiding under my skin. My heart is human, my blood is boiling, my brain IBM. So if you see me acting strangely, don't be surprised. I'm just a man who needed someone and someone to hide to keep me. I'm not what you see. your problems so we can be free. I'm not a hero, I'm not a savior, forget what you know. Du fameux groupe Styx, je l'ai dédié à mon frérot, Paulo. Salut Paulo, je sais pas si tu roules en ce moment. En tout cas, je te dédie cette excellente chanson de Mr. Roboto, en réminiscence de nos petits sketchs avec les dents du bonheur. Donc voilà, de nouveau retour à notre émission. Genix et Climax 80, et Félix est avec nous pour encore présent. Ben oui, nous parler des événements là, de sa mère et de lui plus particulièrement, de son futur, de qu'est-ce qu'il compte faire. Première semaine d'université cette semaine. Ah oui, oui, oui, ben oui, c'est la rentrée. Joyeuse rentrée tout le monde. Bonne rentrée. Absolument. Je tiens à faire un petit clin d'œil à mon ami, un vélociraptor de l'écriture mécanique. On le salue. Qui aime bien les interpolations sur les synthétisations. J'étais justement en train de le texter. Il me parlait de certaines de ses opinions intéressantes sur la littérature. Donc, je lui envoie un petit... lui aussi commence l'université. On est toutes... Salut. On est toutes dans de la nouveauté. J'espère qu'il va être là à la librairie. Ah, je vais lui en parler. Il est un peu calé dans sa grotte montréalaise. Ah, ok, il est de Montréal. Mais est-ce que toi, tu viens de Montréal? Oui, exactement. Ah, ok. Mais là, c'est à Laval que tu vas aller? Un étalon montréalais sans pur. Des Montreal Stallions. La ligne orange entre Crémazie puis Berri-UQAM. Okay. On n'est jamais sorti de ce triangle des Bermudes, de cette ligne des Bermudes. Puis là, est-ce que tu... Mais là, à l'université, est-ce que tu vas à Laval ou... Ouais, je vais à l'Université Laval, dans le fameux certificat sur les œuvres marquantes de la culture occidentale, il faut le dire très vite, parce okay. que ouais, parce que c'est un très long nom. Pour l'instant, avis mitigé, j'ai des professeurs qui ont l'air d'être un peu assis dans un métier, mais en même temps, est-ce qu'on peut se tromper en lisant des œuvres comme La physique d'Aristote ou La République de Platon? Bon, on ben se lance non. dans... Ben là, c'est ça, on se lance dans des... Écoute, dans des grattements de tête. Et... Dans des grattements de tête à haut voltige. Mais, dans Aristote des arrachages de cheveux. Mais il faut, de toute façon, ça passe par là. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est bien. Écoute. Mm-hmm. Ben, si je pouvais faire un peu ma job, entre guillemets, je tiens à dire à toute cette communauté invisible qui existe derrière l'ombre de mon micro coussiné que des événements éclectiques et vibrants ou des fois nuls et ennuyants, en tout cas il y en a à toutes les sauces, mais toujours moi derrière le bar et puis des artistes de partout. Donc le bar Facebook, de la librairie Saint-Jean. Le bar de la librairie Saint-Jean, on sert de l'alcool, c'est inédit. Une librairie qui sert de l'alcool, pourtant, traditionnellement, la pensée vient avec une envie de... Tout à fait. Penser et ensuite oublier pour finir le cercle éternel voilà. du recommencement. Le voilà. cercle dionysiaque. Voilà. Exactement. Écoute, ben c'est le fun. Écoute, on a hâte. Ça va être le 3 Facebook octobre. Le Facebook de la librairie Saint-Jean-Baptiste et avec Florian le 3 octobre. Yes. Et puis, on va aller les voir ça. Y a-tu des événements cette semaine ou la semaine prochaine? Cette semaine, on a juste... je reviens justement d'un événement en chanson. C'était vraiment extraordinaire. On avait une diva magnifique qui chantait des... Elle jouait de la guitare? Non, c'est, elle avait non. un guitariste avec elle, mais okay. Laura, c'était la première fois qu'elle chantait en public. En tout cas. Et la semaine prochaine, on a notre Jean-Jacques Kira National, un chanteur belge avec beaucoup de coffres, beaucoup de thèmes, un gros ventre et un charisme qui vient nous faire des chansons belges et françaises, des yes. Léo Ferré. Des, ouais. Aye, on va aller voir ça. Ben, à la librairie Saint-Jean, c'est quand? On va vous donner les dates là, à la fin de l'émission. Ou vous pourrez aller voir sur Facebook, là, sur Mr. Florian, ouais. MR Florian en majuscule. Vous allez sur Facebook, vous allez sur X, sur la compte... Ça va être publié sous peu. Sur la compte de la librairie Saint-Jean voilà. aussi ouais, sur Facebook. Vous faites librairie Saint-Jean Facebook. Exactement. Ça se trouve. OK, ben reste avec nous, Félix. Oui, je suis là. Il est 1h25 et puis, ben écoute, on va continuer nos petites digressions. Et donc, on va y aller... toujours, évidemment, dans cette recherche de l'exutoire, nous, en fait, une partie de cet exutoire, eh bien, c'est d'écouter d'excellentes chansons. Alors, on va aller à une pause publicitaire dans quelques secondes. Je vais vous dire, écoute, que pour la prochaine demi-heure, on a encore du lourd qui s'en vient, là. On a les Onyx. On a un petit sketch sur les Onyx qui s'en viennent. Vous connaissez les Onyx? Je sais pas si les gens s'en souviennent. En tout cas, s'il y a des gens qui s'en souviennent, vous pouvez venir nous le dire sur Facebook, MR Florian, en lettres majuscules ou sur mon compte. On est là, en ce moment, sur Facebook. Ou sur X, l'ancien Twitter. On est là. Donc, vous faites Monsieur Florian à Twitter et vous allez le trouver. Ou vous faites l'émission Genix et Climax 80. Ou vous faites tout simplement CKRL et vous allez trouver les liens. Donc nous, on va y aller avec une pub excellente. C'est les pubs de CKRL Radio. C'est toujours des pubs excellentes parce que c'est souvent des pubs à but non lucratif. Donc, écoutez, faites-vous plaisir, gâtez-vous. On y va avec une pub sur CKRL Radio, les amis. La nuit au 89.1 à Québec. CKRL 89.1. À ne pas manquer à l'Anglicane de Lévis, vendredi 5 septembre à 20h, Lou Adrienne Cassidy présentera la sortie de résidence de Triste Animal, son quatrième album, accompagné de 5 musiciens-musiciennes. Une première devant public à ne pas manquer. Seul dans ma tête, c'est moi qui me porte, c'est... Jamais, jamais, jamais osé demander.

ce pauvre Coco. Dommage. Sa disparition du petit écran avait été plutôt brutale. Coco nous manquait. On n'avait pas encore eu le temps de s'habituer tout à fait à ne plus voir Coco. Déjà les débuts de la déception et du manque pour moi. Par contre, si on avait de la veine, le jeudi par exemple, ou mieux, le vendredi midi, l'un de nous se lèverait peut-être pour changer de chaîne. On allait tâter un peu de télévision d'État pour changer. On pourrait peut-être alors tomber sur les inédits des Onyx. Hyper instables les Onyx. De drôles de créatures extraterrestres en fait. Ridicules petits monstres poilus. Des marionnettes complètement hystériques. Sans doute fabriquées au pif. La clope au bec. Nous avons appris que dans le désert, les onyx pêchent le verre du désert et qu'ils inventent beaucoup de choses. Nous savons que le monstre Abba est plus laid que méchant. Les onyx... Ils racontaient vraiment n'importe quoi de leur voix criarde, emplumés comme de méchants oiseaux, toujours à s'engueuler dans des langages inconnus d'onomatopée, ainsi qu'à se chamailler et à se taper dessus à coups de rochers en mousse. Ils vivaient toutes ces péripéties surréalistes sur leur planète étrange en polystyrène. Cette roche bizarre, en forme de poire, suspendue par des fils, qui d'ailleurs nous apparaissait durant le générique d'intro. Le monde des Onyx, il tournoyait dans l'espace. Comme une toupie sur sa lancée. Ce monde aride orbitait autour de rien, dans le vide spatial, parsemé de bulles de savon. Cela était relevé par un thème musical plus qu'aliénant. En y repensant bien, c'était carrément flippant. Pas sain du tout pour les enfants, je crois. Une vraie syrope, ce truc. Moi, j'étais littéralement hypnotisé par les onyx. J'en avais les yeux rougis lorsqu'on sortait pour retourner à l'école. Alors voilà, pour la violence de l'heure du midi sur Radio-Canada, télévision d'État financée par nos impôts. Ces petites séances d'électrochocs subtils, mine de rien, ça nous occupait tout de même un peu. L'absurde et le non-sens, cela nous captivait et nous changeait carrément des idées avant de retourner en classe. Toutefois, pour nous renforcer, nous protéger et surtout pour lutter contre toute cette violence de la société envers nous, les gosses des 80s, maman, d'après moi, eh bien, elle avait trouvé la parade magique. Elle nous préparait, avec beaucoup d'amour, de jolies petites coupes de jello à la fraise, avec beaucoup de crème fouettée. Elle rangeait tout ça au frigo. Il n'y avait plus qu'à se servir. Le dessert pour les petits frères était avancé. Et hop là, on repartait pour l'école, blindés comme les petits chars d'assaut. Des casques bleus. On the notes, les amis. We can't go for that. On écoute le 89.1 à Québec. De retour sur l'émission Genix et Climax, il est 1h41, les amis. Félix, as-tu un mot de la fin à nous donner? As-tu des infos à nous distiller? Oui, j'organise à la librairie, il y a toutes sortes de vêtements, mais entre autres, les événements importants, je dirais qu'il y a des micros ouverts à peu près tous les mois. À la librairie Saint-Jean. À la librairie Saint-Jean-Baptiste. On y retrouve, honnêtement, la dernière fois, c'était une de nos plus belles soirées. Il y avait des poètes remarquables. Je savais pas qu'on était capable de produire autant de belles poésies. Mais là, ça, le prochain, le thème, c'est migration. Le 10 octobre à la librairie. Le 10 octobre à la librairie Saint-Jean, mes amis. Peu importe votre bagage humain, vous avez une place au micro vert, c'est ça le concept. Yes, ça va être le fun. Ça va être le fun. Puis nous autres, on va être là, Genix et Climax 80, pour délirer. Ça va peut-être être des Climax. Il va y avoir des amis le 3 octobre prochain à la librairie Saint-Jean. C'est ça. Félix, il va être là pour nous accueillir. Il va avoir du punch aussi, je pense. On va s'essayer là-dessus. On va checker ça. Ouais. Alors, on va y aller tout de suite avec une chanson. Non, pas avec une chanson. On va y aller avec une séquence. C'est la séquence 10. Genix. Ah non, c'est la séquence 11. Excusez. Ça s'intitule « À l'école » et c'est page 94. La génération X. Voilà donc comment les sociologues et ingénieurs sociaux en tout genre ont décidé de nous nommer. Telle une simple variable X, qui en influence une autre et en influence une autre, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Génération qui n'a pas vraiment de nom, donc. Celle qui ne va nulle part et qui ne changera rien, ni ne révolutionnera quoi que ce soit. On nous considérait aussi comme la génération du jour d'après, the day after. Et je vous assure que personne, le soir de la première mondiale de ce film, the day after, sur ABC, personne n'avait eu l'idée de prononcer cette fameuse phrase classique placebo, t'inquiète, c'est qu'un film, ça va bien aller. Non, pas cette fois-là. Le monde entier s'en était allé au lit, traumatisé, avec la peur au ventre que cela nous arrive à nous. Un de ces jours prochains. Gloria! C'est Laura Branigan. Vous écoutez Genix et Climax, l'émission, votre feuilleton radio préféré, c'est sur CKRL le 89.1. L'école, le corps enseignant, semblait aussi sonné que nous et nos parents suite au visionnement du film. Je me souviens qu'en classe, on n'avait pas fait grand-chose ce jour-là, le lendemain, à part qu'échanger nos impressions sur ce film horrifiant de la veille. Le prof nous avait même un peu briefé sur le monde communiste dont certains élèves croyaient également avoir entendu dire qu'en URSS, ils dévoraient les enfants. Moi, bon, je n'y croyais pas trop. Mais je n'en savais trop rien, en fait. On nous avait aussi parlé du président Reagan, le chef du monde libre, un ancien acteur de Hollywood. Lui, c'était les seconds rôles dans les films de John Wayne, des westerns, des films de cow-boys. Il avait aussi visionné le même film que nous sur ABC, en même temps que tout le monde. Et il nous avait livré ses impressions publiquement, le matin même. faisant part de son inquiétude pour les générations futures. Bien entendu, le président Ronald Reagan renvoyait la balle à son homologue soviétique, Gorbatchev. Le type de la perestroïka, vous savez, celui à la grande tache de vin sur le front. Bien sûr, j'étais moi-même allé de ma petite anecdote de classe, histoire de tuer le temps restant avant la récré. En effet, je leur avais raconté cet épisode survenu l'été précédent, en route pour la Malbaie, lors d'un trajet de voiture. Bien. À la radio, la musique s'était interrompue. Ça tombe bien. Pour un bulletin spécial de dernière minute sur les tensions Est-Ouest, qui étaient soudainement montées à leur paroxysme. C'est ce qui clôt notre feuilleton radio pour ce soir. On va y aller avec une dernière chanson. Et ça s'appelle Dolores. C'est une chanson qui parle de voiture. On aime les voitures au Québec. On a toujours aimé ça. Pas nécessairement les voitures électriques. Enfin, on n'a rien contre. Mais on aime bien quand ça sent le gaz un petit peu. Alors on y va avec Robert Charlebois. Vous écoutez Dolores au CKRL, CKRL Radio 89.1, la radio, la nuit, à Québec. Dans ce départ, je rêve à ton dos, dans ma tornado. Oh Dolores, oh toi ma Dolores, perdu, perdu, perdu dans le Colorado. Dans ce débado, dans ce débado, je rêve à ton dos, dans ma tornado. J'ai eu toutes sortes d'auto. Oh. Un Studebaker, un Monarch, un Pontiac, un Buick, Dynaflo. Une Mercedes, une Jaguar, une Peugeot, une Alfa Romeo. Si j'ai eu avoir ça, une Bugatti, à côté de ça, il paraît qu'une Ferrari, ça a l'air de rien. J'ai eu un Bouline qu'une 55 banane. Il est à swell, il est à propre, convertible, le temps rouge. J'ai eu une petite Skoda, ça je trouve ça bien laid, t'as vu le poudre à bord de ça. J'ai eu un âge métropolitain, deux petits bébés Austin. J'ai eu un Cadillac LaSalle, un Marquette, un Buick Century, un Buick Limited. Ah oui, ah oui, j'ai eu un beau Edson, rouge et blanc, c'est avec ça que j'ai capoté. Ah oui, j'ai eu un beau Cadillac Eldorado de l'année 1 sur l'autoroute L.A. Dans un beau char volé Dolores, en toi ma douloureuse. Perdu, perdu, perdu, à Chibougamau. Ah, ah, ah, ah, hiver, comme un lavabo. Frais des blancs, glace mon dos. Frais des blancs, c'est pas un cadeau. Oh, oh, Dolores, en toi ma douloureuse. Perdu. Chibougamau, oh, oh, oh, oh, oh, l'hiver, frais des blancs comme un lavabo, frais des blancs, laisse mon dos, frais des blancs, c'est pas un cadeau. J'ai eu toutes sortes de cadeaux, oh, oh, oh. Des patins à glace, des patins à roulettes, des patins à deux lames, des patins à quatre lames, un train sauvage, un traîneau, une toboggan, j'ai eu un mouchoir, j'ai eu des bords, j'ai eu une boîte de chocolat, un carton de cigarettes. Un disque d'Elvis, un disque de Félix, un jeu de mécano, un jeu de mini-brix, un habit de Zorro, une flashlight pour le voir en dessous de l'eau. Ah, qu'est-ce que j'ai eu à voir de ça, non? Ah oui, j'ai eu le plus beau de tous les cadeaux. J'ai eu un foulard, un beau foulard gris qu'elle m'avait tricoté. Sur Dorothée, dans un beau char volé Dolores, auto à ma douloureuse. Perdu, Sario, Ontario. Dans ma Toronado, j'écoute la radio, les yeux pleins d'eau. Je frappe des autos, je me grimpe des poteaux. Wow, wow, Philippe, wow! Traité blanc, traité blanc, traité blanc. Aïe, il ne reste pas grand temps. On va avoir le temps de mettre le générique de la foule. Les petits oiseaux! Hey, ça a passé vite, hein, Félix? Ça a passé vite quand même? Bon, ben. On va se voir, nous, le 3 octobre, mais on va y aller avant pour le show des Belges. C'est quand, on est venu? C'est samedi prochain. Samedi prochain. Samedi prochain, ça va tomber le 13... Samedi le 13 septembre. Le 13 septembre, anniversaire de la bataille des Plaines, les amis. Et c'est depuis ce temps-là qu'on appelle la ville de Québec, Québec City. Et... mais bon, écoute, on fait avec. Et on était ravis d'être là avec vous ce soir, avec Félix. Et puis, allez voir nos liens, allez voir Mr. Florian, MR Florian, en lettres majuscules sur Facebook, ou vous allez sur X, l'ancien Twitter, vous faites Mr. Florian, MR Florian, ou vous allez sur directement sur CKRL, sur X, et CKRL, vous allez trouver les liens. C'est ce qui clôt notre émission, les amis. Toute bonne chose à une fin. Et on espère vous revoir la semaine prochaine. Enfin, on sera là. Et on espère que vous passez une belle semaine. C'est la rentrée. On vous aime, les amis. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Sur ces collègues. It's too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Got the world around us just for septembre prochain. Ne manquez pas une collaboration unique entre deux animateurs de longue date de CKRL avec